fil du temps, la trame s'étend, la toile se tisse et je m'immisce dans les tourments de mon roman. Les étoffes s'étirent, la fougue se retire, nos chemins se croisent et s'entrecroisent. Au fil du temps, l'histoire s'étend, les fils se lient puis se délient, jusqu'à l'usure de notre armure, si on veut en sortir. Faut être prêt à mourir. De trame en chaîne, l'on s'enchaîne. De chaîne en trame, l'on se fane. Avec pourtant de beaux présents dans nos cœurs pleins de sentiments. Nos chemins se lient puis se délient. Au fil du temps, la toile s'étend, des liens se tissent et je m'immisce dans le secret d'autres trajets. Les amours se défont, les je t'aime s'en vont. Nos chemins se joignent et puis s'éloignent. Au fil du temps, la toile se fend de déchirures en pleine usure. Les fils se tordent, puis se résorbent. Les nœuds n'ont plus de prise. La toile enfin se brise. De trame en chaîne, l'on s'enchaîne. De chaîne en trame, l'on se fane. Avec pourtant de beaux présents dans nos cœurs pleins de sentiments. De trame en chaîne, l'on s'enchaîne. De chaîne en trame, l'on se fane. Avec dans nos âmes les trames de notre voyage ici-bas.